Je voulais annoncer également ces soirées projections rencontres du côté de la salle ARSA ou des salles ARSA stéphanoises. Ça va être le cas pour Tatou Juste, hein, Raphaël, avec une finalement pré-ouverture on peut appeler ça comme ça. Du rendez-vous de la transition écologique, puisque prévu le week-end du 23-24, mais une soirée projection du 21, dont on va reparler bien sûr hein, tout à l'heure. Okay. Mais auparavant, vous annoncez ces autres rendez-vous, alors là plutôt solidarité internationale. Rappelez tout d'abord ce rendez-vous de ce jour, ce mardi 12 novembre, ce soir, Méliès Jean Jaurès, solidarité avec Gaza. Projection suivie d'un débat sur la résistance populaire de solidarité avec la Palestine, avec l'association ou les associations membres des campagnes BDS 42 et PASTEC, qui assureront aussi la discussion. Un film documentaire Voyage à Gaza, donc le titre de ce documentaire italien de Piero Usberti, qui sera projeté ce soir à partir de 20h30 au Méliès Jean Jaurès. Et puis annoncer encore un film palestinien cette fois, qui sera projeté demain, mercredi 13 novembre à 20h10, toujours au Méliès Jean Jaurès. Film palestinien, film documentaire titré No Other Land, qui sera donc projeté pour cette soirée de solidarité avec la Cisjordanie cette fois, avec donc un débat sur la résistance au quotidien contre l'accaparement des terres palestiniennes, coordonné par le CCFD Terre Solidaire et en présence de représentants de la Ligue des Droits de l'Homme, Association France-Palestine Solidarité, Artisans du Monde, Amnesty International, BDS 42 à nouveau et Initiative de Paix. Ce mercredi 13 novembre à 20h10, Méliès Jean Jaurès. Est-ce que ces associations sont par exemple invitées sur Tatou Juste cette année et seront présentes? Oui, c'est même des associations qui viennent depuis très longtemps à Tatou Juste et seront effectivement présentes lors du prochain salon. Et ce type de soirée, c'est des soirées très intéressantes pour se faire une idée. On n'a pas forcément une opinion sur ces sujets-là, mais justement, il faut aller à ce type de soirée. Les débats sont très enrichissants, je vous conseille vraiment. Voilà pour ces deux soirées en premier lieu. On va en annoncer à nouveau d'autres. Et pour exemple, je voulais annoncer cette soirée de ce mardi 12. C'est donc ce soir, attention si vous suivez la rediffusion, à 19h à la librairie L'une et l'autre. En effet, c'est l'invitation auprès d'une maison d'édition et d'un auteur. Ce soir, rencontre avec les Monts Métallifères et Christophe Séga. Pour cette soirée intitulée « Sinistre, bizarre ou déroutant », à la croisée des genres, des fictions qui déroutent, à la croisée des routes, des fictions qui dérangent. C'est ce qu'on peut lire en s'aventurant sur la toile en quête d'informations sur cette jeune maison d'édition « Les Monts Métallifères » créée en 2021 par Guillaume Meller et Lila Carpentier dans le pays de l'Autunois Morvan. Et bien ce sera l'occasion de les recevoir en effet ce mardi 12 novembre. Et la maison d'édition sera accompagnée de Christophe Séga qui vient de publier La Sous-Bois, un livre qu'Eliès défend ardemment depuis sa parution, nous dit l'une et l'autre. Un livre-objet apparemment fascinant. Ce sera l'occasion de présenter tout cela précisément à la librairie l'une et l'autre ce mardi 12 à 19h. La librairie étant située 19 rue Pierre Bérard à Saint-Étienne. On en profite pour annoncer aussi les rendez-vous théâtre à partir de demain pour trois soirées de représentation. C'est 13, 14 et 15 novembre à 20h pour ce mercredi. Il y a des séances à 14 et 18h jeudi et 20h à nouveau pour ce vendredi 15 novembre. C'est la pièce Freda par la compagnie Les Pleureuses de Feu. Alors pour vous donner un petit résumé, du jour au lendemain, Mariama s'échappe du spectacle dans lequel elle jouait, confinée depuis des mois dans la peau de Joséphine Baker. Ce soir-là, elle fuit, errant à la recherche du spectre de sa grand-mère. Elle revient dans la salle de ce théâtre et raconte son parcours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette seconde avant la tempête pour qu'elle quitte, s'échappe de son propre spectacle ? C'est un monologue entre français et créole et Mariama explique, détricote, se confie, raconte son identité de femme noire, sa culture réunionnaise, sa grand-mère et les Comores qui lui manquent, son métier d'actrice et le poids de l'histoire coloniale qui pèse encore sur ses épaules. Voilà pour cette pièce donc, qui sera présentée au Choc Théâtre, situé bien sûr rue Bernard Palissy à Saint-Étienne. Information, réservation au 04 77 38 23 38 04 77 28 23 38 ou

Thank you.